m'attendez. Et puis l'amour et puis tendresse. Aïe, aïe, aïe. Et puis tu mélodies ta la. C'est seulement m'a fait faire ouais. Ou qu'elle comprenne ou qu'elle saisit. Bon Dieu, ça m'a capé. C'est vous pas là. Moi qui t'attendais moi avec. C'est toi pour moi. Sans vous doudou. Pas ni journée, pas ni la nuit. Aïe, aïe, aïe. Belle créati, si moi gade de yé. C'est pas qu'on y c'est vieux à blanc m'en rache yo. La nous pèpè si même bon grain pour nous choyer. Si un jour matin moins levé et l'amour nous t'est en péril. En qu'est troussé des manches moins pour m'en paix ça sauver. Et pour qu'il y ait bon flé pour y exploser. D'après maman nous a passé. Faut nous tiendre raide pour y matcher. Après la pluie soleil toujours viré. La pluie mauvais temps même si mouillé nous. Nous que chauffer quand nous doudou nous que serré. Pour nous préserver l'amour nous. La pluie mauvais temps même si mouillé nous. Nous que chauffer quand nous doudou nous que serré. Pour nous préserver l'amour nous. La pluie mauvais temps, même si nous mouillons nous. Nous que chauffer pas nous deux, nous que c'est vrai. Pour nous préserver l'amour nous.